plus agréables et nos vies plus vivables. Nous verrons bien demain, rien n'est pressé, c'est sûr. Remettons à plus tard, gardons les petits espoirs. Nous verrons bien demain.